Ici de là où les bécraveurs se déguisent en dandy. Il n'y a que ma mère, les murs mates qui m'ont vu grandir. En temps de guerre avec mes sincères, je construis un empire. Ici de là où les bécraveurs se déguisent en dandy. Ici de là où les bécraveurs se déguisent en dandy. Il n'y a que ma mère, les murs mates qui m'ont vu grandir. En temps de guerre avec mes sincères, je construis un empire. Ici de là où les bécraveurs se déguisent en dandy. Ici de là où les bécraveurs ride à mille à l'heure, tourne à mille à l'heure, touche à mille à l'heure. Cocaine inhaler, Marcel me subit de traleur. Yankee Miliana, le chrome est mêlant. J'taffe pour le zé. Ah. Ah. Charbonneur de dos, sauf 307 me chauffe, me drôle. Sous-marin la night, je maille. D'autres moyens, j'ai hop, en balle. Tu croyais quoi, j'ai plus le temps, j'ai plus le temps, j'ai plus le temps, j'ai plus le temps, j'ai plus le temps, j'ai plus le temps. Plus le temps, non, plus maintenant. Va bien falloir que tu payes, va bien falloir que tu payes. Ici de là où les bécraveurs déguisent en dandy. Y'a que ma mère, les murs mates qui m'ont vu grandir. En temps de guerre avec mes sincères, j'construis un empire. Ici de là où les bécraveurs déguisent en dandy. Ici de là où les bécraveurs déguisent en dandy. Y'a que ma mère, les murs mates qui m'ont vu grandir. En temps de guerre avec mes sincères, construis un empire. Ici de là où les bécraveurs déguisent en dandy. Oh la zombie, comme Mona Lisa, nigga. Et les trois quarts du rap band Adidas, nigga. J'suis de l'avocat jaune qui pue la weedas, nigga. Bien sûr que j'me gratte les couilles si j'deviens Midas, nigga. Si j'deviens Midas, nigga, mais c'est la Guinness, nigga. Autodidacte, nigga, vu les stigmates, nigga. Charpentier qui pointe au rap de Ponce Pilate, nigga. La rime est profonde comme le flon dirait Divac, nigga. Oh, là je rage les homies. T'es pas la taille gros, elle est très grande. J'tacle la balle avec mes ennuis. La misère en guise de playground. Tu crois que j'rigole pas, car tu crois qu'on plaisante. Les charbonneurs savent qui les représente. J'suis pas une petite boucave, j'suis ni une légende. J'fais mon bif comme n'importe quel de tes genres. Ici de là où les bécraveurs se déguisent en dandy. Y'a que ma mère, les murs mates qui m'ont vu grandir. En temps de guerre avec mes sincères, j'construis un empire. Ici de là où les bécraveurs se déguisent en dandy. Ici de là où les bécraveurs déguisent en dandy. Y'a que ma mère, les murs mates qui m'ont vu grandir. En temps de guerre avec mes sincères, construis un empire. Ici de là où les bécraveurs déguisent en dandy. Am I under suspicion of a crime? Ici de là où les bécraveurs déguisent en dandy. Man, where the fuck you at, bro? Free cool crowd, let's get it. This was for you, yo. Fuck Port of Miami for taking your ass. Go fuck them niggas up, dogs. Smoke weed everywhere, smoke land. Treat our world an ashtray. God. Who's up? Yes, man. Yes, stand up. Who's up?